Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, le dernier film de François Ozon. Quand Cathy, une femme ordinaire, rencontre Paco, un homme ordinaire, quelque chose de magique et de miraculeux se produit. Une histoire d'amour. De cette union naîtra un bébé extraordinaire, Ricky. Salut. Ah, bonjour. Moi, c'est Paco. Et moi, c'est Cathy. Tu sais, Lisa, Paco va peut-être venir habiter avec nous. Vous allez vous marier ? On verra. Tu voudrais qu'il s'appelle comment ? Ricky. Monsieur Sanchez ? Oui. C'est un beau bébé de 3,8 kg. Maman, maman ! Quoi ? Ricky, il n'est plus dans son lit. Qu'est-ce qui s'est passé, Lisa ? Ricky ? Ricky ! Ricky ? Maman, regarde. Comment il est monté là-haut ? Je sais pas. Votre fils est une énigme absolument fascinante pour la science. Je crois qu'il ne faut rien raconter à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il est différent. Je cherche un livre sur les ailes. Les ailes ? Je vais mesurer ses ailes parce que je pense qu'elles ont encore grandi. Vas-y, mon Ricky. Pas qu'on pourrait lui faire du mal ? Ricky, un film de François Ozon avec Alexandra Lamy et Sergi Lopez, un DVD TF1 Vidéo.